L'agonie, livre 3, chapitre 3. L'ancilla, essuyant quelques larmes du bord de sa stola, empilait une corbeille de vêtements de Severa, parfumés à la lavande et asséchés sur les coteaux de la villa de Glycia. Elle ajoutait des sandales de feutre doux, des rubans pour la coiffure, des sachets, des écrins de joyaux, pendant que, dans l'appartement voisin, le patricien s'exclamait. Qu'elle parte, qu'elle rejoigne son Zal, son Christos, son Gael, son Maglo. Je ne veux plus d'elle. J'ai failli la tuer. Je la tuerai sûrement si elle reste ici. » Et ses pas, heurtés de tout sautement, se percevaient, battant le parquet, roulant, furieux, une charge aux parois de la muraille. « Oui, je mourrai seul. Le descendant de Glycia s'éteindra, mais n'abdiquera pas devant une femme. Qu'ai-je à faire en cet empire qui n'a rien de romain, avec Severa qui adore un Christos que nul n'a vu? C'est une folie, mais je ne serai pas fou comme elle. » Il cria. « Va-t'en, va-t'en, je ne veux pas te vendre comme esclave. Je t'ouvre les portes, la voie est libre. Zal t'attend, s'il est vrai que tu aimes Zal. Laisse-moi en paix, car je veux mourir seul. Oui, mourir seul. » Il se tut pour reprendre, avec des coups de poing à sa poitrine, que des grayonnements soulevés. « Et toi, Rusca, infâme Rusca, tu la suivras, s'il te plaît. Puisque, comme elle, tu abandonnes ton maître, le patricien Glycia, descendant des Glycia, inscrit dans les fastes romains. » Un repos encore, puis des gémissements et un bruit sourd de corps tombant. « Je me meurs, je me meurs. Je t'en accuse, Rusca, et toi, Severa, et toi, Zal, et toi, Christos, que je n'ai jamais vu, et toi, Gael, et toi, Elagabalus, et toi, Empire, qui n'a rien de romain. N'approchez point. Laisse mourir ton maître, Rusca, ton époux, Severa. Encore quelques battements de mon vieux cœur, et ce sera fini. » Et Glycia râla fort, la face tournée au sol, sa maigre tête dans ses mains. Mais Rusca accourait, avec Severa, pour le consoler, le distraire, l'apaiser. Ne pouvant plus vivre avec cet époux qui l'injuriait et l'abattait, elle se disposait à s'en aller. Et, malgré tout, ce lui était un grand regret que ce départ forcé qui la séparait de ce malade et de ce fou. Au toucher de Rusca, qui essayait de le remettre sur pied, Glycia sursauta. « Non, t'ai-je appelé? Qui t'a dit de venir? Laisse mourir ton maître en paix. » Severa le voulut soutenir d'un bras. Glycia éclata, les yeux sanglants, et se relevant, « Je t'ai ordonné de partir, je t'ai ordonné de ne plus rester chez Glycia. » « Ah, tu le veux braver, Glycia, tu le veux narguer en paraissant le soigner. Tiens, tiens, pars, que je ne te vois plus, ou je te tue, ou je t'égorge, je te jette aux bêtes, je te jette au vivier, je te brûle sur un bûcher, je t'enterre vive, je t'étouffe, je t'étrangle, je t'arrache le cœur, je te mords la chair, je te donne aux prétoriens qui te violeront 100 fois, je te fais lapider, je te fais couper les seins, je te fais couper le nez, je te fais couper la tête. Pars, pars, ta face m'est pénible et m'exaspère, et m'énerve, et me fait mal. » Il la frappait encore à la face et au sein, sans qu'elle se défendît autrement qu'en opposant ses mains jointes à sa folie. Elle reculait lentement, et il la poussait avec des coups. Et Rusca, derrière, ne pouvait le retenir. Ils firent ainsi plusieurs fois le tour des cubiculas et roulèrent dans l'atrium où l'Ancilla fermait la corbeille de son couvercle d'osier. « Ah, tu étais prête à t'en aller et tu revenais !» s'écria le patricien. « Tu venais à la maison de Glycia, mais Glycia ne veut plus de toi. Va chez ton Zal, chez ton Christos, chez ton Gael, chez ton Maglo, chez ton Elagabalus que tu soutiens. Salis la vertu de Glycia avec cet empereur qui se fait violer par des hommes et qui viole des hommes. Fais-toi violer par lui, par Zal, par Gael, par Maglo, par Christos, qui est fait d'air, puisqu'on ne peut le toucher. Vite, Ancilla, dehors, femme. Il traîna la corbeille, la jeta dehors, sur le chemin où un plein soleil incendiait les herbes, des alcées, des graminées et des pariétaires, montant aux murailles crevées de trous. Puis il chassa Sévéra, que l'Ancilla suivait, par les épaules, et referma la porte avec des toussotements glapissants. Je ne sais où aller, dit Sévéra, essuyant ses larmes et sans colère aucune. Emporte avec moi cette corbeille. Nous irons à Rome, où je verrai Zal qui me conseillera. Elle parlait de Zal sans honte, car d'elle s'écartait toute idée d'adultère qui pût excuser Glycia. Elle en parlait comme d'un ami. Elle ne voyait que lui, ne pensait qu'à lui, et, en cette occurrence, c'était son souvenir qui, en elle, se dressait encore. Elles atteignirent bientôt la porte Salaria. Des romaines, fort riches, en délectiques aux plagules de cuir mollement balancées sur des épaules noueuses d'esclaves et aux portières garnies de carreaux de talc. Des Romains, du Patricia comme Glycia, les regardaient avec étonnement, devinant l'espèce de répudiation de Sévéra, rien qu'à ce trajet de corbeille emportée. Quelques femmes, des voisines de villa, souriaient, connaissant depuis longtemps ses faiblesses d'âme pour un sectateur de Christos. Fatiguées, elles s'assirent sur une borne, une partie de Rome défilant devant elles. C'étaient des chefs de légion, suivis de turmes cavalcadantes dont miroitaient les armures bien polies. Des voyageurs en des basternes sans roues, portés par deux mules trottinantes. Des jardiniers, un goyot court sur l'épaule, des fossoyeurs et des laveurs de mort à demi-sous, s'accrochant à des prêtres d'Isis tonsurés, processionnant et psalmodiant. Des soldats se dirigeaient vers le camp des prétoriens, qui se voyaient au loin, immobiles et carrés, pleins de bruits confus d'armes, de galops de chevaux, de commandements de centurions et de barrissements d'éléphants. Quelques légionnaires entraient, pour sortir un moment après, dans une taverne voisine, dans une vigne coiffait une tonnelle sous laquelle se voyaient des buveurs. L'un d'eux parlait très haut, et Sévéra reconnut la voix d'Atta. Instinctivement, elle eut peur, se saisit d'une extrémité de la corbeille, et, toujours avec l'Ancilla, s'enfonça dans Rome, non sans que lui parvinssent ces mots d'Atta, très distinctement. « Je vous l'assure, citoyen, encore quelques mois, et Elagabalus ira rejoindre Nero, Vitellius et Commodus. Buvons à Alexander, qui fera le bonheur de l'Empire. » Un tumulte de bols de verre et de flacons de vin se fit alors, ourlé d'un cœur de buveur qui répondait à Atta. Sévéra crut que ces paroles s'adressaient à elle, présageant des choses terribles qui la bouleversèrent jusqu'au seuil de la maison de Zal, dont elle et l'Ancilla gravirent les étages. Des portes de locataires mangeant, à cette heure, des oignons, des œufs durs et des poissons séchés, s'ouvraient sur les paliers très longs. Il regardait ces deux femmes, bouche bée. Des enfants piaillaient sous des mains rudes de mères dont les seins pendaient. Des jeunes filles aux cheveux embroussaillés couraient pour les mieux voir. Et ces visions de peuple leur crevèrent jusque sur la terrasse du 8e étage, bordée de logettes étroites, d'où elles aperçurent la rue d'en bas, toujours grouillante de passants zigzagants, et la campagne plus au loin, aux horizons, indistinctement fumeux, de brisures de toits, d'aqueducs et de collines, acharnés à se saisir dans le décor. Le cœur de Sévéra battait fort, autant d'émotions que de cette interminable ascension. Le grand air de la terrasse, à laquelle elles accédèrent par l'échelle croulante, la frappa en plein visage. Elle chancela, défaillit avec un léger cri, et s'assit faiblement sur la corbeille. « Je me sens mal, Ancilla, soutiens-moi !» Ancilla l'éventait, anxieuse, regardant si aucune logette ne s'ouvrait. Et, comme l'oppression de Sévéra ne cessait, elle entr'ouvrit le haut de sa stola. La gorge blanchit, en un éclair, veinée de bleu. L'épouse de Glycia y posa les mains. « Non, s'il venait, lui, Zal, il me croirait faible et s'effrayerait. Je vais mieux. » Timidement, elle frappa à la porte de Zal qui s'ouvrit. Le père se parut et, avec un léger trouble, « Entre, sœur, et toi, Ancilla, entre aussi. Soyez les bienvenues, toutes deux. » Et il s'effaça, embarrassé, ne pouvant offrir à Sévéra qu'un humble escabeau de bois, et à Ancilla, muette, qui regardait ce pauvre logement d'un descendant de grand roi, qu'un coffre de bois à demi brisé, renfermant de ses vêtements. Il ne savait que dire tant cette visite le surprenait, pressentant un malheur pour Sévéra, s'effrayant par avance de la voir là, qui sait, pour toujours. Mais il surmonta son émotion, et, comme elle restait silencieuse et palpitante, « Tu as quelque nouvelle à m'apprendre ? Tu me voudrais pour t'accompagner auprès de nos frères pauvres, si j'en juge par cette corbeille qui contient des provisions et des toges pour eux ? Cependant, il était inutile de monter jusqu'ici. Il fallait me faire appeler par Ancilla. Je serais immédiatement descendue pour te suivre comme je t'ai suivi quelquefois. Tu es fatiguée, repose-toi un instant. Nous nous en irons dès que tu ne seras plus lasse. » Il balbutia, l'engageant sourdement à s'en aller. Mais elle ne répondait pas. Un silence eut lieu que rompit Ancilla, larmoyante. « Son époux ne veut pas d'elle et la maltraite. Elle ne sait où aller. Elle n'a pas de parents. Et toi seule est son amie. Elle veut que tu la conseilles. » Elle découvrit la corbeille et, précipitamment, prouvant ainsi l'intérêt que sa vieillesse portait à sa maîtresse, « Je me suis hâtée de l'emplir de ses meilleurs stolas et de ses plus belles étoffes. J'ai mis là des sandales et des bijoux qu'elle pourra vendre au jour de détresse. Tu l'aideras, toi qui es son amie et qui l'aimes. Moi, je retourne à la villa, avec l'espoir que Glycia la demande bientôt. » Zal pâlit. Il prit les mains tremblantes de Sévéra qui se leva, confiante et pudique. Et il la serra légèrement sur son cœur. « Que vas-tu devenir ? Je vais te chercher une maison chrétienne qui te gardera. Attends-moi. » Il partait, ne voulant pas qu'elle restât plus longtemps dans sa chambre, car Ancilla allait les laisser seules. Mais Sévéra se mit à pleurer. « Non, je veux rester près de toi. J'ornerai ta chambre. Je te distrairai par ma présence, toi qui es seule. Que ferai-je avec les autres ? Tu sais bien que je reste ton amie, que nos âmes ont des effusions en Christos, que rien de toi ne m'est étranger. Souffre donc que je ne m'en aille point. Je reste, vois-tu ? » Elle s'offrait d'âme, sans qu'à ses paroles se mêlât la moindre avance de sa chair. Zal lui était une entité pure, une abstraction en Christos, une espèce de seconde nature de la divinité. Ainsi, la réalité de sa présence, la réalité de la cohabitation demandée s'atténuait, n'avait aucun danger, tant chez elle l'insexualité restait grande. Et c'était également pour Zal, quoiqu'il ressentît une inquiétude à accepter Sévéra. Aussi se débattit-il. « Il vaut mieux pour toi, pour moi, que tu ne restes point ici. Ou bien je te cède ma chambre, j'irai ailleurs, et me contenterai de m'enquérir de toi. » Mais Sévéra encore se refusait, lui disant simplement qu'elle coucherait à terre, au pied du lit de planche, toute contente de vivre avec lui, dans la paix de Christos. Ce fut entre eux une longue lutte, à laquelle Lancilla, croyant Sévéra adultère avec Zal, ne comprenait plus rien. À bout d'arguments, il proposa de louer une chambre à côté, une logette également misérable, qui les ferait voisins. Elle accepta, revenant peu à peu de son exaltation de forte amitié, mais heureuse au fond de vivre auprès de Zal, sans habiter complètement avec. Et le père se descendit alors pour traiter de cette location avec le propriétaire de la maison. Un gros numide enrichi dans la vente des cuirs de Pergame qui, le recevant dans une cubicula du premier étage, derrière des ballots de sa marchandise, se mit à rire, brutal. « Elle est ton amie, celle-là que nous avons vue monter avec une vieille femme ? Tu n'as pas besoin de lui offrir une chambre, ton lit suffirait. Eh, tu le veux ? Tant pis pour toi, chrétien, car tu es chrétien, dis. » Cela ne te regarde point, répondit Zal. Je te paie, tu n'as que le droit de te taire, et surtout de ne lui point causer. Ah, de la jalousie, fit le numide en riant plus fort. Ces chrétiens sont extraordinaires. Ha ha, prends donc la chambre en question et arrangez-vous ensuite. Surtout, pas de bruit entre vous. Et qu'on ne sache pas que vous êtes chrétien, car on ne peut prévoir ce qui arriverait. Et ma maison en souffrirait. »